Je suis sûr que le capitaine Krabs est juif. Et pourtant, c'est Carlo qui se tape une tronche de rabbi. Ouais, carrément, il a une tête de rabbin, le mec. Ah, mais vous êtes là! Entrez, entrez, mes petits goïms! Décidément, votre fidélité commence à me surprendre. L'antisémitisme aurait-il le vent en poupe? Bienvenue au grimoire de Merlin, le rendez-vous des apprentis dératiseurs à la motivation surpassant la puissance de mes formules magiques. Ah, il y en a qui veulent bosser jusqu'en Israël. Ah, je vous vois, je vous vois. C'est bien. Sans attendre, j'ouvre le menu du jour. Alors voyons voir ce qui traîne dans mon bestiaire. Le gobelin de la casse. Non. Le chupacabra algérien du 93. Non plus. Le nègre du Gévaudan. Ah, on y vient. Ah, mais j'ai mieux encore. Marcus et les ravages. Eh oui, ce cher Marcus, ce youpin international. Alors là, attention, hein, si vous avez des gosses, planquez-les, parce que là, bon, si c'est la pleine lune en plus, voilà, là on est sur un démon level 99. Donc là, le Merlin, il fait pas le malin, donc... ma magie ne pourra peut-être pas vous protéger longtemps face à l'aura putride de cette crevure, hein, là... Il s'agit en apparence d'un simple écrivain juif américain, hein. Ah, mais oui, mais attention, notamment connu pour sa biographie de la famille Rothschild, mais également pour son article intitulé « A Real Case Against the Jews ». Donc ça veut dire « Un vrai procès contre les Juifs ». Un article publié dans le Century Magazine en janvier 1928. Je vous en livre la meilleure partie de ce pas. J'ouvre les guillemets. Vous faites grand cas de l'influence juive indue dans vos théâtres et vos ciné-palaces. Très bien. Vos plaintes sont fondées. Mais qu'est-ce que c'est comparé à notre stupéfiante influence dans vos églises, vos écoles, vos lois et vos gouvernements, et dans la moindre pensée que vous avez chaque jour? Un russe maladroit contrefait une série de documents et les publie dans un livre intitulé « Les protocoles des sages de Sion », qui montre que nous avons comploté pour provoquer la dernière guerre mondiale. Vous croyez ce livre? Très bien. Pour les besoins de l'argumentation, nous en souscrivons chaque mot. Il est authentique et véridique. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la conspiration historique indéniable que nous avons menée, que nous n'avons jamais niée, parce que vous n'avez jamais eu le courage de nous en accuser, et dont le dossier complet est à la portée de tous? Si vous êtes vraiment sérieux lorsque vous parlez de complot juif, ne puis-je pas attirer votre attention sur un sujet qui mérite d'être abordé? À quoi bon parler du prétendu contrôle de votre opinion publique par les financiers, les propriétaires de journaux et les manias du cinéma juif, quand vous pourriez tout aussi bien, et à juste titre, nous accuser du contrôle avéré de toute votre civilisation par les évangiles juifs? Vous n'avez pas encore commencé à apprécier la profondeur de notre culpabilité. Nous sommes des intrus, nous sommes des perturbateurs, nous sommes les subvertisseurs. Nous avons pris votre milieu naturel, vos idéaux, votre destin, et nous les avons dévastés. Nous avons été à l'origine non seulement de la dernière grande guerre, mais de presque toutes vos guerres, non seulement de la révolution russe, mais de toutes les autres grandes révolutions de votre histoire. Nous avons apporté la discorde, la confusion et la frustration dans vos vies personnelles et publiques. Nous continuerons à le faire. Personne ne peut dire combien de temps encore nous continuerons ainsi. Regardez un peu en arrière et voyez ce qui s'est passé. Il y a 1900 ans, vous étiez une race innocente, insouciante et païenne. Vous adoriez d'innombrables dieux et déesses, les esprits de l'air, des ruisseaux et de la forêt. Vous étiez fiers de la splendeur de vos corps nus. Vous sculptiez des images de vos dieux et de la séduisante physionomie de l'homme. Vous adoriez les combats sur le terrain, dans l'arène et sur les champs de bataille. La guerre et l'esclavage étaient des institutions immuables dans vos systèmes. Vous vous êtes dispersés sur les collines et dans les vallées des grands espaces. Vous avez commencé à spéculer sur l'émerveillement et le mystère de la vie, et vous avez jeté les bases de la science naturelle et de la philosophie. Votre culture a été noble et sensuelle, inaltérée par l'épicure d'une conscience sociale ou par toute question sentimentale sur l'égalité humaine. Qui sait quel grand et glorieux destin aurait pu être le vôtre si nous vous avions laissé tranquille? Mais nous ne vous avons pas laissés en paix. Nous vous avons pris en main et nous avons abattu la belle et généreuse structure que vous aviez élevée et changé complètement le cours de votre histoire. Nous vous avons conquis comme aucun de vos empires n'a jamais soumis l'Afrique ou l'Asie. Et nous l'avons fait sans armée, sans munitions, sans effusion de sang, sans force d'aucune nature. Nous l'avons fait uniquement par la force irrésistible de notre esprit, avec des idées et de la propagande. Nous avons fait de vous les porteurs volontaires et inconscients de notre mission dans le monde entier, dans les races barbares de la Terre, dans les innombrables générations à naître. Sans comprendre pleinement ce que nous vous faisions, vous êtes devenus les agents, au sens large, de notre tradition raciale, portant notre évangile jusqu'aux confins inexplorés de la Terre. Fermez les guillemets. Alors je vous le donne en mille, cet article aurait été présenté comme satirique à sa sortie. Ce qui est justement intéressant, car lorsque le juif commence à parler au goy plus sérieusement, en tant que juif, il adopte tout de suite un ton plus léger, comme s'il te mettait la main sur l'épaule pour t'inciter à être en confiance. Et je vous le dis, c'est à ce moment-là que le démon vous insuffle la mort. Il ne faut jamais perdre de vue que le type est juif et prendre soin de réinterpréter ses intentions dans le bon sens pour garder la tête hors de l'eau. Le juif adore te raconter qu'il t'encule toi, ta famille et toute ta civilisation, tout en te voyant ahuri en train de ne rien comprendre et t'attarder sur d'autres problèmes moins importants et futiles. Ça le fait jouir le juif de te voir comme ça. Hein. C'est sa cam au Youpin. Il est accro depuis 2000 ans et il augmente les doses depuis 1945 surtout. La leçon du jour, mes petits goïms. Le juif est invisible dans une société qui épouse ses idées. N'oubliez jamais cette formule. Eh bien, à présent, je vais vous laisser méditer sur cette nouvelle leçon de sagesse, mes petits goïs. Jusqu'à la prochaine émission. Et on se retrouve très vite dans la haine et la bonne humeur. C'était Merlin, et je vous souhaite piété et humilité.